Chapitre 14. 6 mois plus tard, vers la mi-octobre de cette même année 1877, nous retrouvons Monsieur et Madame de Morescan installés maritalement à la Vénerie, magnifique propriété située entre Creil et Compiègne, et dont Monsieur de Morescan avait fait l'acquisition 18 mois auparavant. Il était grand chasseur. Il y avait de belles chasses à la Vénerie, et c'était ce qu'il avait déterminé à acheter ce domaine pour n'avoir plus à louer des chasses de côté et d'autres chaque année. Il avait invité pour l'ouverture de la saison un assez grand nombre d'amis, entre autres messieurs de Montélin, d'Hermanie, de La Jardie et Saville, envers qui Madame de Morescan remplissait ses devoirs de châtelaine avec beaucoup de bon goût, de grâce et même de gaieté. On pensait généralement que la gaieté était de trop et qu'après avoir été, il y avait si peu de temps, à tort ou à raison, la cause de la mort d'un homme, elle eût pu ressentir, ou du moins affecter, une certaine mélancolie. Mais le cœur des femmes a des mystères impénétrables. À la suite du duel qui s'était terminé d'une manière si fatale pour le comte de Lerne, aucun argument, aucune prière n'avait pu persuader à Jeanne de Morescan de demeurer sous le toit conjugal et d'y attendre le retour de son mari. Elle s'était réfugiée le soir même chez sa mère, emmenant bravement son fils. Madame de la Tourménil eut la tâche délicate de négocier avec Monsieur de Morescan les clauses et conditions d'un mode d'existence temporaire et convenable aux circonstances. Elle ne trouva pas son gendre aussi récalcitrant qu'elle s'y était attendue. Il n'était pas fâché lui-même de ne pas avoir à affronter immédiatement la présence de sa femme, sentant que, sur de simples soupçons, il avait peut-être, à son égard, comme à l'égard de Monsieur de Lerne, poussé les choses un peu vite et un peu loin. Personne n'est bien aise d'avoir tué un homme, et si peu sentimental que fût Monsieur de Morescan, il n'était pas sans éprouver une sorte de vague remords qui se traduisit par les dispositions conciliantes qu'il témoigna à Madame de la Tourménil. Il fut donc convenu que Madame de Morescan garderait son fils et qu'elle accompagnerait sa mère d'abord à Vichy, puis en Suisse à Vevey, où elles devaient toutes deux passer l'été. Durant cet intervalle, les sentiments de part et d'autre se calmeraient et s'adouciraient, d'autant plus sûrement, suivant Madame de la Tourménil, qu'il n'y avait eu dans cette malheureuse aventure qu'une série de malentendus. Ce duel avait beaucoup occupé Paris pendant 8 jours. La catastrophe finale produisit même un mouvement d'opinion favorable à la réputation de Madame de Morescan. Il y avait, entre la cruauté de ce dénouement et les légères imprudences de conduite qu'on pouvait reprocher à Jeanne et à Monsieur de Lerne, une disproportion qui saisit les esprits et désarma la calomnie. On fut d'avis, en général, que le baron de Morescan s'était montré bien farouche et bien implacable envers un homme dont le seul tort paraissait être, en réalité, d'avoir fait la lecture à sa femme. Ses propos et ses bruits du monde, en apaisant la vanité de Monsieur de Morescan et en flattant son honneur et son orgueil, ne laissèrent pas de faciliter le rapprochement des deux époux. Madame de Morescan avait paru dans les premiers temps absolument rebelle à l'idée de ce rapprochement. Mais après 2 ou 3 mois passés dans une sorte de stupeur désespérée, elle sembla se réveiller brusquement un beau jour, et, à la suite de réflexions inconnues, elle déclara à sa mère qu'elle se rendait à ses conseils. Elle rentrerait chez son mari. Elle demandait seulement qu'on lui accordât encore quelques mois de délai. Il faut bien, dit-elle, non sans un reste d'amertume, lui laisser le temps de sécher ses mains. À dater de cette résolution, son humeur se modifia profondément. Elle sembla reprendre goût à la vie, et l'avenir parut lui présenter quelque intérêt assez vif pour lui rendre une partie de son activité et de son animation. Elle vint donc rejoindre son mari à Paris vers la fin du mois de septembre, et fit sa rentrée chez elle aussi simplement que si elle fût revenue d'un voyage ordinaire. À dire vrai, Monsieur de Morescan parut être le plus embarrassé des deux. Du reste, il n'avait jamais eu l'habitude des grandes expansions. Il n'y eut donc en apparence rien de changé entre eux. Elle toucha avec un léger sourire la main qui lui tendait à son arrivée